France Culture et la Comédie Française vous invitent à écouter, sous la direction artistique de Jacques Régnier, Fils de personne, d'Henri de Monterland, pour le 5e anniversaire de sa mort. Présentation et commentaires de Jacques Lemire, en compagnie de Michel Etcheverry. Il est aujourd'hui question de saluer Henri de Monterland, naguère académicien français, ou plutôt il est question de saluer sa mort, survenue il y a 5 ans. Et même très exactement, il est question aujourd'hui de saluer son suicide. C'est une entreprise délicate. On pourrait affirmer que c'est une entreprise inadmissible. Car j'ai le souvenir du procès d'intention que la très moyenne bourgeoisie faisait encore il y a 10 ou 15 ans à Jean-Paul Sartre d'entraîner la belle jeunesse française au suicide. Or, Jean-Paul Sartre, très malade, je crois, vit encore et manifeste ainsi humblement dans son corps en faveur de la vie, alors que Henri de Monterland, pour cause de cécité individuelle, a préféré disparaître avec éclat. Quoi qu'il en soit, puisqu'il s'agit de gloser après un acte douteux, c'est bien à Jacques Régnier d'avoir choisi Fils de personne pour commémorer la vie et la mort de Monterland. Car ce drame est d'une parfaite ambiguïté. Et même, je ne sais pas jusqu'à quel point il ne faudrait pas dire qu'il est d'une parfaite malhonnêteté, malhonnêteté où nous finirons par reconnaître, bien sûr, je le dis d'avance, l'extraordinaire sincérité de Monterland. L'argument dramatique de Fils de personne est d'ailleurs, vous allez le constater, d'une grande simplicité, jusqu'à produire ce que Monterland lui-même appelle une œuvre presque décharnée, analogue, dit-il, à ces corps d'athlètes qu'un massage averti a décapé de tout, ce qui n'est pas utile au but qu'il se propose. Une pièce qui n'existe, je cite encore, que par son action intérieure. De quoi s'agit-il ? Un homme, une femme et un adolescent sur fond de guerre et d'occupation, c'est tout. L'homme, Georges Carion, avocat de bonne renommée, a abandonné cette femme, Marie Sandoval, enceinte de lui au moment de l'abandon, pendant 12 ans. Exactement jusqu'à ce qu'il la rencontre, par hasard, au métro Châtelet, avec leur fils, Gilles, dit Gilou, alors âgé de 12 ans. Quelque chose s'est ému au métro Châtelet dans cet homme pour ce fils inconnu et le père a enfin commencé de participer à l'éducation de l'enfant. L'action intérieure de Fils de personne va commencer 2 ans plus tard, à Cannes, en zone libre, alors que Gilou a exactement 14 ans et 1 mois. Ce n'est donc plus un enfant, c'est un adolescent, ce qui permet à Monterland de le jauger et de le juger, puisque Monterland a lui-même vécu sa propre adolescence avec une intensité de sensation dont il ne se remettra jamais. Tout le drame tient en effet à ceci. Gilou est, je cite, « de mauvaise qualité ». C'est en tout cas ce que Monterland affirme en préface et en postface, et c'est ce qu'il prétend que nous constations dans la pièce. C'est aussi, bien sûr, ce qu'affirme son père en maintes occasions. Et c'est ainsi qu'il sacrifie son fils à, je cite Monterland, « une certaine idée qu'il se fait de l'homme ou quelque chose qui est plus que le sang ». Plus que le sang est le 2e titre de cette pièce, et c'est bien sûr surtout ce que dit ce titre que Monterland défend avec sa violente tactique d'agressivité. Voici un large extrait de la préface donnée par l'auteur. Il me semble que cette pièce doit n'être guère comprise. Sa maigreur étudiée ne sera-t-elle pas tenue pour pauvreté, un simple scénario ? On sera déconcerté par le ton, si différent de celui de la Reine morte. On ne me retrouvera pas dans ces personnages qui ne parlent pas en style noble et ne disent pas de choses poétiques. On opinera que c'est une œuvre étrange. J'espère bien que c'est une œuvre étrange. L'amour paternel étant un des sentiments les plus faibles qui existent dans la nature, il est logique que si un auteur le montre fort, les pères ne se reconnaissent pas dans cette peinture, tandis que les femmes, au contraire, y retrouvant l'amour maternel, protestent que l'auteur s'est trompé, a confondu le père et la mère. Mais le malentendu proviendra surtout d'une autre cause. Fils de personne est un drame de la qualité humaine. Un père rejette son fils, et le rejette peut-être vers la mort, parce que celui-ci est de mauvaise qualité. Si le public ne perçoit pas cette mauvaise qualité et n'en est pas aussi écœuré que le père, ce dernier lui paraîtra monstrueux. Or, les spectateurs français de 1943 ne peuvent pas être choqués par les traits de Gilou, qui écœure Georges Gilou, c'est leur fils à eux, un charmant enfant. Que lui reproche-t-on ? C'est leur fils, et c'est aussi eux-mêmes. Dès lors, le sacrifice de cet enfant devient un acte, aussi hors de proportion avec leur vie que l'est, pour nous, par exemple, le sacrifice d'Iphigénie par Agamemnon, et aussi peu fondé en raison. Bref, cette charge contre le français moyen, jouée devant une salle de français moyen, a grande chance de n'être pas appréciée. Georges, incompris des Français moyens dans sa tendresse, en sera incompris également dans sa dureté. Pourtant, celle-ci est commandée par celle-là. Je vois aborder dans cette préface trois questions. D'abord, celle de la maigreur de la pièce, que nous avons déjà évoquée, puis celle de la paternité, et enfin celle de la qualité humaine. La maigreur, cette pièce décharnée. Il faut y revenir, car cet aspect technique de l'œuvre commande tout le reste. Et Monterland l'a bien senti, même s'il ne se l'est pas expliqué, en écrivant « Chaque fois que j'ai été tenté de garnir cette pièce, j'ai eu l'impression que je la trahissais. » Avec cette explication, « Jadis, à Alger, je voyais de petits paquebots français avec deux cheminées et des grands anglais qui n'en avaient qu'une. On m'expliqua, l'une des deux cheminées est factice. Nous faisons cela à cause des Arabes. Prestige. » Ce que j'avais ajouté à cette pièce me fait penser à ces fausses cheminées. Bien. Hélas, en 1977, ce n'est pas l'absence de fausses cheminées que nous reprocherons à cette œuvre, mais bel et bien l'absence d'une vraie cheminée, ou plutôt l'absence d'une vraie machinerie, d'une machinerie crédible. Car les deux moteurs de ce drame sont justement la paternité et la qualité humaine, deux affaires dont il est fait grand cas pendant trois actes, sans effet puissant. Autrement dit, la fameuse maigreur de cette pièce ne proviendrait nullement de l'absence de postiche, comme le proclame Monterland, mais d'un sérieux manque de nourriture. Là réside sans doute la principale malhonnêteté déguisée aux couleurs de l'authenticité des sensations. Car où est d'abord l'authenticité paternelle chez Georges? Chez un monsieur qui ne s'aperçoit que par hasard, au bout de 12 ans, qu'il a un fils, qui borne sa paternité à l'exercice d'un modelage. Où est la force de cet amour paternel que Monterland croit, en toute bonne foi, nous avoir montré? Vous constaterez que cette preuve n'est nulle part et à aucun moment de la vie de Georges et Gilou donnée. Cette idée de l'amour paternel n'existe que dans l'esprit de ce père, mais ne se traduit en rien et se contente de se définir comme une exigence, un droit à vouloir fabriquer l'homme que sera son fils et un droit à être déçu de constater que cette fabrication est impossible. Monterland semble ne pas même soupçonner que cette fabrication est interdite, interdite par la nature. Il croit tout bonnement, en célibataire très doué pour certaines formes sportives de la virilité, il croit tout bonnement que l'éducation que donne le père doit être absorbée presque fémininement par le fils. Et il affirme chaudement dans ses notes sur fils de personne que la voix du sang n'est puissante que chez la mère. Pour l'homme, ses vrais fils sont spirituels. Où Monterland va-t-il chercher cela? Dans un arsenal qu'il arrange sans doute, un arsenal où il ne risque pas de rencontrer de fils par le sang, puisque lui-même n'en a pas eu, et un arsenal où la voix du sang, une fois de plus, et prié de s'exprimer à la demande. Non, Georges Carion n'est pas le père de Gilles Sandoval, il prétend seulement exercer sur lui sa volonté de puissance. S'il ne s'agit que d'en faire un fils spirituel, c'est qu'il ne s'agit pas d'en être le père du tout. Là s'articule, toujours marquée de maigreur, la question de la qualité humaine. Qu'est-ce en l'occurrence que la qualité humaine? Gilou étant de mauvaise qualité, qu'est-ce que la mauvaise qualité à 14 ans et un mois quand on ne dispose que depuis 2 ans d'une image de père? Eh bien, la mauvaise qualité de cet enfant tient essentiellement au fait qu'il vit avec sa mère, qu'il s'arrange avec sa mère, qu'il se laisse embrasser par sa mère, qu'il se coiffe comme sa mère aime qu'il se coiffe et qu'il n'aime pas que son père le décoiffe. D'autre part, cet adolescent lit les journaux, rit au cinéma vulgaire et emploie parfois, pour dire des perceptions psychologiques extrêmement délicates, un mot qui n'est pas exactement celui que son père souhaiterait entendre, surtout lorsque cela le concerne. Voilà tout ce que Monterland pressentait devoir ne pas faire suffisamment horreur aux Français moyens de 1943, et voilà tout ce qui devrait nous faire horreur en 1977. Franchement, ce n'est pas assez. C'est sensé, très sensé, c'est-à-dire très dirigé vers un but, mais c'est maigre, trop maigre. Français moyens ou âme d'élite, nous ne croirons pas qu'un adolescent sera un homme de mauvaise qualité parce qu'il est adolescent, c'est-à-dire d'abord gauche, vulgaire, nonchalant, indécis et amateur de journaux. Et nous comprendrons d'autant mieux son état passager s'il a été élevé par une mère velléitaire, frappée de bovarisme, comme dit John Batchelor, et qu'il se trouve soudain tiraillé entre ses deux parents qui se persiflent l'un l'autre. Autrement dit, Nous ne nous attendrons plus à ce que les jeunes gens de 14 ans se comportent au XXe siècle comme se comportaient les purs produits de la chevalerie au même âge, les quelques Français d'alors élevés à cheval et en armes. Ça n'est plus l'usage, tout au plus pourrait-on le regretter. Enfin, que propose Georges, horrifié par la mauvaise qualité de son fils, que propose Georges à son fils en fait critère de qualité humaine? Un seul qui recouvre tous les autres, le mépris, la négation de ce qui est bas. Georges prétend inoculer le mépris à sa nation et ne présente en conséquence à son fils qu'une longue liste de mépris où se tenir, une longue série d'interdictions. Aucun objet d'admiration, jamais, aucun exemple à suivre. Monterland, c'est le monsieur qui a écrit dans Service inutile, l'essentiel est la hauteur, elle vous tiendra lieu de tout, ce qui me paraît ou grave ou amusant, mais éclaire parfaitement cette morale politique énoncée dans Savoir dire non. Oui, c'est le titre, Savoir dire non. Le bouddhisme enseigne que l'homme doit avoir 10 répugnances. Peu importe lesquelles, c'est l'idée qui m'intéresse. L'idée que, dans une œuvre de perfectionnement individuel, avant même ce qu'on souhaite, il y a ce qu'on rejette. Nul ne peut gouverner sa terre s'il ne sait aussi bien refuser qu'accorder, a dit notre Saint Louis. Ce qui a manqué plus que tout, peut-être, au peuple français depuis 20 ans, c'est ce non frémissant, jailli des profondeurs. Travaillons à lui donner des répugnances. Travaillons à lui donner ce non à ce qui est médiocre et à ce qui est bas. À cela fait écho la violente déclaration de Georges Carion. Les enfants. Nous autres, nous rêvons toujours de faire sortir un jour quelque chose de grand d'une de ces petites molécules informes. Et quand un de ces enfants est le nôtre, or voici mon expérience, ma culture, 25 ans de réflexion sur le monde et de jeu contre les hommes. Il y a un enfant dont c'était le destin à double titre que je lui communique tout cela, puisqu'il est de mon sang et que je l'aime. Et c'est précisément en lui que je ne peux pas le faire, parce qu'il est bête et parce qu'il est bas. Vous avez remarqué que Georges dit 25 ans de réflexion sur le monde et de jeu contre les hommes. J'admire réellement, quant à moi, que son pauvre fils résiste à cette tentation négative et que sa bêtise, sa bassesse, se borne à ne pas écraser les autres. D'ailleurs, il ne faut pas feindre de l'ignorer, il y a une suite à Fils de personne. Conçu en 46, au cours d'un dîner chez des collaborateurs notoires qui présentaient gaillardement leur fils, claudiquant d'avoir été 3 fois parachuté par les Anglais, elle fut écrite en 48. Et Monterland, dans cette pièce suivante, intitulée « Demain, il fera jour », renverse la vapeur. Gilles a 17 ans et 7 mois, il supplie ses parents de le laisser entrer dans la résistance, et son père, désabusé, revenu de tout, sans être allé dans bien des endroits, dirait Musset, le lui interdit. Jusqu'au jour où il reçoit une lettre anonyme, où il passe pour collaborateur, et où, pris de panique, tremblant de peur, il envoie tout de suite son fils le blanchir. Mais Gilou ne reviendra pas de sa première mission. C'est curieux. C'est curieux qu'un auteur prenne ainsi le soin de défaire ce qu'il avait patiemment fait, que le champion de la qualité humaine devienne soudain l'image de la veulerie, comme si Corneille, incertain de son Horace, avait écrit 1500 autres vers où le vieillard maudirait Rome, ses lois et la guerre. Il faut ajouter que cette situation, partir ou ne pas partir, être ou ne pas être avec ceux qui vont faire quelque chose, surtout la guerre, est lancinante chez Monterland. C'est le sujet de sa toute première pièce, extrêmement puérile, écrite en 1914, cela s'appelait L'Exil, et extrêmement sérieuse, extrêmement significative. Le héros, Philippe de Presles, empêché par sa mère de partir au front avant l'appel, de partir y vivre une grande amitié amoureuse avec un collégien de sa trempe, s'écrit « Oui, l'amateur, toujours à côté, toujours en dehors. Manquer cela, manquer la guerre, être là parmi les vieillards, les femmes et les cul-de-jatte, sans pouvoir rompre ce cercle infernal de la solitude. Manquer cette occasion de vivre, de souffrir, d'aimer, de me donner, de me transformer en le meilleur de moi-même. Moins que cela, c'est-à-dire plus encore, manquer tout simplement cette occasion de devenir pareil aux autres. Mais non, l'exil, toujours l'exil. Hier, au collège, je me mêlais, et c'est pourquoi j'y étais si heureux. Et puis le collège qui m'exile pour je ne sais quelle bêtise quand j'avais fait de lui ma chose et mon amour. Et puis la guerre est exilée de la guerre. et demain comme aujourd'hui, exilé de tout ce pourquoi je suis fait, tantôt par ma faute à cause de ce que je suis, tantôt par la faute des autres. Quand je songe à ce que j'aurais été si on m'avait soutenu dans ce que j'ai de bon. C'est toujours le même cri, étrange chez un homme officiellement si content de soi. Quand je songe à ce que j'aurais été si on m'avait soutenu dans ce que j'ai de bon, dit le jeune Philippe, je voulais être un père différent des autres, dit Georges Carion. Rien de tout cela n'aboutit, hélas. Monterland est pourtant parvenu à forger sa vie et à forger une œuvre et à choisir sa mort. Homme de lettres, il se distingue formidablement de ses confrères exactement par les mêmes moyens dont il use pour faire une œuvre originale. Il procède en tout, c'est-à-dire en vie et en littérature, il procède en tout avec une sorte de sincérité, justement, qu'on aime de moins en moins rencontrer. Vindicatif en vie et en littérature, il modèle des héros, mais avec une habileté que l'on commence tout juste à soupçonner, il les modèle fragiles. L'habitude qu'ils ont tous de rompre, de toujours rompre, et de rejeter systématiquement qui les blesse tant soit peu, eh bien, ce réflexe de distinction, cet envol fougueux, loin du bas et du bête, c'est au fond une sorte de peur. Monterland craignait les pièges. Sa nature animale, préservée instinctive, sa nature craignait le repos, craignait l'usage, craignait la communauté des autres. Et ce sont ces craintes que l'œuvre décrit en forme de panique agressive. L'admirable, assurément, c'est que tant de mouvements s'expriment tous, imperturbablement, dans un seul ton, à un seul niveau de qualité de langage et dans une seule manière. Si la langue de fils de personne n'est pas apparemment la même que celle de la reine morte, les deux sujets sont pourtant traités à la même hauteur. Monterland est ainsi une leçon, une énorme leçon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais c'est une leçon. Henri de Monterland s'est tué magistralement le 21 septembre 1972. Il avait 76 ans. Et je ne vois pas de moyen plus honnête de qualifier, je dis bien qualifier son acte, que de lui opposer précisément le compte-rendu d'un autre acte, celui d'un autre artiste, dans un autre art, avec une autre infirmité. Ce sont quelques fragments du testament d'Heiligenstadt de Beethoven. Je me suis vu contraint de bonne heure à m'isoler, à passer ma vie loin du monde, solitaire. S'il m'est arrivé parfois de vouloir ignorer tout cela, la triste expérience que je faisais alors de mon ouïe perdue venait durement me le rappeler, et pourtant, je ne pouvais pas encore me résoudre à dire aux hommes « Parlez plus haut, criez, car je suis sourd. » Il ne m'est plus permis de chercher un délassement dans la société de mes semblables. Fini le plaisir des entretiens agréables et de nature élevée. Fini les épanchements. Complètement seul ou presque, je ne puis fréquenter le monde que dans la mesure où l'exige l'absolue nécessité. Il me faut vivre en proscrit. Si je m'approche d'une société, aussitôt je me sens pris d'une angoisse terrible dans la crainte où je suis d'être exposé au danger qu'on remarque mon état. Pour un peu, j'aurais mis fin à mes jours. C'est l'art, et lui seul, qui m'a retenu. Ah, il me paraissait impossible de quitter ce monde avant d'avoir donné tout ce que je sentais germer en moi. Ainsi, je végétais, prolongeant une existence misérable. Peut-être irai-je mieux, peut-être non. Je suis résigné. Dans ma 28e année, me voir déjà dans l'obligation de devenir philosophe n'est pas chose aisée. Pour un artiste, c'est plus dur encore que pour un autre homme. Divinité, tu vois d'en haut le fond de mon cœur, tu le connais. Tu sais bien que l'amour de l'humanité, le désir de faire le bien, l'habite. Ô vous, qui lirez un jour ceci, pensez que vous avez été injuste pour moi, et que le malheureux se console en rencontrant un malheureux comme lui, qui, en dépit de tous les obstacles de la nature, s'est toujours efforcé d'être admis au rang des artistes et des hommes d'élite. Cela est daté du 6 octobre 1802 et porte à croire qu'il y a au moins deux manières de s'efforcer vers le rang des artistes et celui des hommes d'élite. Veuillez écouter maintenant « Fils de personne » de Henri de Monterland.

Oh, monsieur Gilles, vous essuyez vos souliers avec la doublure du rideau. Oh, qu'est-ce que ça fait? Puisque c'est pas à nous. Ils la louent assez cher, leur villa. Ah, voilà le facteur. Ne vous dérangez pas, je vais lui ouvrir. Merci, facteur. Ah, il y a une carte du Havre de grand-père. Mais il doit être malade comme maman, il l'a fait écrire par quelqu'un. Chère Mariette. Mariette? Ça, c'est nouveau. Enfin, ton père m'a trouvé quelque chose au Havre. J'ai quitté Paris mercredi. Je crois que cette situation inespérée... Mais ce n'est pas de grand-père. C'est signé Roger. Roger? Maman! Tiens, du courrier. Oui? Il y a même une carte du Havre. On t'a donné cette carte comme ça? Oui. Tu t'étais fait envoyer poste restante? Avant que ton père ait loué la villa, j'ai donné mon adresse à plusieurs personnes. Cannes, poste restante. L'autre jour, en voyant que je ne guérissais pas et ne pouvais sortir, j'ai écrit à la poste de me réexpédier ici les lettres arrivées poste restante. Mais d'ordinaire, en pareil cas, la poste réexpédie ses lettres sous enveloppe. Oh, il faut venir dans ce pays de sauvages pour les voir réexpédier comme cela. Mais quelle importance cela a-t-il que la poste ait renvoyé cette carte découverte? Oh, mais aucune importance. C'est d'un cousin à nous. Un cousin éloigné, du côté de maman. Je ne le connais pas. Bah, s'il fallait que tu connaisses toute la famille. Enfin, des cousins, nous en avons, hein. Enfin, c'est égal. Ton grand-père pourrait écrire plus souvent, ou ta grand-mère. Quelle vie, mon Dieu, quelle vie. Loin de son chez-soi, loin de ses parents, seul, sans amis, sans occupation, dans un climat qui vous est mauvais, dans une ville dont on a horreur. Et sans même pouvoir correspondre à cœur ouvert avec ce qu'on aime. Pour combien de temps? Toujours si déçu en tout, alors qu'ailleurs... Et tout cela pour que ton père te voie quelques heures par semaine. Qu'il passe à te faire des observations. Oh, tu es sans cesse à gémir. Rentrons-y à Paris, que ce soit fini une bonne fois. Mais tu sais bien que je ne peux pas reparler de ça à ton père. Oh, ce soleil m'aveugle. Je vais être obligée de porter des lunettes noires. Des lunettes noires à la fin de novembre. Enfin, le monde est à l'envers. Il n'y a que toi pour te plaindre qu'il fasse soleil à la fin de novembre. Et si ce soleil me fait mal, enfin? On pense jamais à ma santé. Le ciel tamisé de l'Île-de-France ou de l'Atlantique. Au Havre, dans la maison de tes grands-parents, le vent de mer ne m'a jamais rendu malade. Comme... la chaleur moite de cette Méditerranée, oh. Si nous étions au Havre... Oh, tu ne vas pas avoir envie d'aller au Havre à présent, sous les bombes. Les bombes? Bah, grand-père ne t'a pas écrit qu'ils avaient été bombardés? Il m'a écrit une ou deux fois qu'il y avait eu une alerte. Il a écrit des alertes quotidiennes. Oh, alors tu lis toutes les cartes qu'on m'envoie, hein? Une alerte n'est pas un bombardement. Bah, et avec les Anglais qui peuvent attaquer du jour au lendemain... Ce sont des blagues de la radio. Ici aussi, on risque d'être bombardé. Ah, écoute, maman, tu vas fort. Oh, et d'ailleurs, même si on était bombardé, qu'est-ce que ça peut faire, hein? Oh, bah dis donc! Oh là là, mieux vaut mourir auprès d'un être... Enfin, entouré d'affection comme celle de tes grands-parents, que vivre abandonné, dédaigné... Oh, moi, je n'ai pas envie de mourir. Moi, j'ai toute ma vie devant moi. Toi quoi? Moi, quoi? Moi, je suis vieille, n'est-ce pas? Alors, je peux donc mourir. Je ne dis pas ça, mais enfin, t'as vécu. Oh, j'ai vécu, de sorte que j'ai plus le droit de vivre. Eh bien, si je veux vivre encore longtemps et être heureux. Oh, tu viens de dire que ça t'était égal d'être bombardé. Oh, écoute-toi, petit serin. Voyez-vous ça? Vouloir me faire croire que je me contredis. D'abord, il ne s'agit pas d'affection, il s'agit de santé. Tu ne te rends pas compte de ce que c'est, de sentir qu'on dépérit, que votre santé est compromise. L'atmosphère humide d'ici... Il n'y a pas d'humidité au Havre? La maison de tes grands-parents est à 3 kilomètres de la ville. À 3 kilomètres, ce n'est plus le climat marin. Le Havre est une ville très saine. Tu t'y porterais admirablement. Oh, sans parler du coût de la vie. Un exemple entre 20. Ici, le kilo d'endive vaut 10 francs. Bah, au Havre, ta grand-mère m'a écrit qu'on avait ça pour 6 francs 50. Oh non, le Havre, c'est là-bas. Et tu peux être certain qu'au Havre, tu ferais de meilleures études qu'ici. Ce ne sont pas des feignants là-bas. Alors j'aurais de mauvaises places en composition. Ah, peut-être, mais à la fin de l'année, tu en saurais davantage et tu ne risquerais pas de rater plus tard ton bachot. Et d'ailleurs, ton grand-père pourrait te faire travailler. Il est vieux. Oh, le vieux. Mais il est de loisir. Tandis que ton père est toujours occupé. Ton père fait une histoire si tu entres dans sa chambre pendant qu'il travaille. N'empêche qu'il m'a dit Je te défends d'entrer chez moi quand je travaille. Mais au fond, j'attends toujours plus ou moins que tu arrives. Même hier, j'avais laissé ma porte entrouverte pour que tu aies l'idée d'entrer en passant. Enfin, t'as dit ça une fois. Oh, et puis ton grand-père t'apprendrait aussi à monter à cheval. Il a un cheval ? Oh, un beau petit cheval tout rond. On croirait qu'il est nourri de beurre. C'est vrai ? Oui. Il me laisserait monter dessus ? Comment il s'appelle le petit cheval ? Il s'appelle Frison. Frison ? Oh. Et tu m'achèteras des bottes ? Mais bien sûr. Oh, mais laissons ça, mon pauvre Gilou. Car il n'en est pas question. Il vaut mieux ne pas remuer ses rêves. Bien, mon chéri. Viens faire câlin avec ta maman. La consoler. Mon petit. Toujours mon petit pour moi. Ah, que c'est bête d'avoir envie de faire autre chose dans la vie que t'embrasser. Ah, que c'est bon. Ton cou frais comme de la mie de pain. Et ta bonne odeur. Oh, tu m'aimes. Moi, je t'aime chaque jour un peu plus. Je suis si seule. Je crois que je t'ai jamais tant aimé qu'aujourd'hui. Puis moi, au moins, hein, quand tu m'embrasses, je te dis pas comme ton père, t'es un petit plotteur. Il dit cela en rigolant. Oh, pas tant que tu le crois. Alors tu veux que je lui demande de nous laisser aller au Havre ? Ah non ! Non, c'est inutile après le drame qu'il en a fait il y a un mois. Tiens, à cette place même, pendant que tu étais endormie. Il avait les larmes aux yeux. Pourquoi ? Oh, parce que tu acceptais de le quitter pour rentrer avec moi à Paris. Oh, tu lui diras pas que je te l'ai dit, hein ? Écarte-toi, je l'entends. S'il te voit faire câlin, il y aura encore des réflexions. C'est décidé ? Tu ne veux pas que je lui en parle ? Oh, si tu veux, mais sans en avoir l'air. Seulement pour voir ce qu'il répondra, hein ? Oh, et surtout, que ça ne paraisse pas venir de moi. Un monsieur Mauduit a téléphoné pour savoir si oui ou non vous acceptiez de vous charger de son affaire. Non. Il semblait tenir beaucoup à un oui. J'aime refuser. Bon, alors s'il rappelle quand vous êtes en haut, faudra-t-il vous prévenir ? S'il vous plaît. Quand on refuse, il faut se donner le plaisir de le faire soi-même. Oui. Et puis non, je m'en fous trop. Répondez-lui à ma place. Mais quelle raison donnerais-je à votre refus ? Aucune, je n'ai pas à donner de raison. Et s'il insiste ? Raccrochez. Pourquoi est-ce que tu refuses ? Je t'ai déjà dit que je ne plaide que pour des gens qui me paraissent être dans leur droit. Et il n'est pas dans son droit ? Tout le monde est dans son droit, mais son droit à lui ne me plaît pas. Mais moi, je trouve ça idiot que tu refuses. Alors tu ne t'es pas fait avocat pour gagner de l'argent ? Cette observation est signée. Déjà, l'autre jour, tu disais que Mademoiselle Bastien est une poire. Mademoiselle Bastien s'occupe d'œuvres sociales avec une générosité et un désintéressement rares. Cela suffit pour que tu la juges une poire. De même qu'à tes yeux, un homme d'esprit est un pauvre clown et un homme qui met dans sa vie de la poésie un cinglé. Oh, voyons, Gilou, on peut penser certaines choses et ne pas les dire. Vous aimez bien le gronder, hein ? Sauf quand c'est moi qui le gronde, bien entendu. Dans ces cas-là, ce petit monsieur a toujours raison. Mais ne jugez pas trop mal notre enfant. J'ai trouvé dans ma chambre un bouquet de mimosa. C'était un cadeau de Gilou. Oui, un sourire sarcastique. C'est tout ce que ça vous inspire. Le jeune garçon qui vient de faire une bêtise achète un bouquet à sa mère. Cela est classique. Devrait y avoir honte d'interpréter ainsi et devant lui le geste de cet enfant. Et tout jeune garçon qui vient de faire une bêtise passe le bras dans le bras de sa mère. Cela aussi est classique. Oui, oh, tu as raison de retirer ton bras, mon chéri. Tu sais bien que ton père trouve ridicule qu'un enfant aime sa mère. N'importe. Quel profond psychologue vous êtes. Je comprends ce que j'aime. Et ne comprends pas ce que je n'aime pas. Oh. Et comme j'aime peu, au bout du compte, je ne comprends pas grand-chose. Les années passent, et cependant, touchant les âmes, je vais toujours de ténèbres en ténèbres. Il m'arrive de faire sur elles d'étonnantes et enfantines erreurs. Mon père prétend que les hommes qui sont tenus d'être psychologues par profession, les avocats, magistrats, confesseurs, romanciers, dans leur vie privée, ne voient pas ce qui crève les yeux. Il y a aussi, selon la phrase célèbre, les mères qui croient qu'elles connaissent leur fils parce qu'elles reprisent ce qu'elles sont. Comme il y a les pères qui croient qu'ils s'occupent de leur fils parce qu'ils lui disent en lui tapant dans le dos « Tiens-toi droit, mon enfant !» touché. Je comprends ce que j'aime et ne comprends pas ce que je n'aime pas. Je t'ai déjà défendu de chanter cette chanson quand je suis là. Qu'est-ce que c'est? C'est une chanson malpropre? Puis c'est une chanson niaise. Je préfère encore une nation de canailles à une nation de benêts. Il y a 2 ans, Gilou achetait aux chanteurs de rue des romances sentimentales écrites par des illettrés imprimées avec 10 fautes d'orthographe. Aujourd'hui, il rapporte des chansons dites de jeunes. Écrites également par des illettrés avec le même nombre de fautes d'orthographe. Et qui sont encore plus provocantes que les autres parce qu'elles ont des prétentions éducatives et sublimes. Et ne dites pas que cela est de son âge. Quand j'avais l'âge de Gilou, cette chanson m'aurait écœuré. Comme elle... Marie, en sortant, fait un signe de connivence à Gilou. Dans le sens, ne te frappe pas, tu sais bien que ton père a ses lubies. Tiens, c'est un billet de la loterie nationale que j'avais acheté. Mais puisque tu me l'as défendu, je te le donne. Tu le fileras à un pauvre. Brave Gilou, tu es quand même un gosse bien, quelquefois. Alors embrasse-moi. Tu ne m'embrasses jamais ton fiston. J'ai embrassé le fiston à son réveil. Au réveil, ça ne compte pas. Si tu ne m'as pas embrassé avant que j'ai dit 20, tu vas voir. 1, 2, 3. Tu m'aimes? Moi, je t'aime tous les jours davantage. Jamais je ne t'ai tant aimé qu'aujourd'hui. Diable! Tu te moques! Même si j'avais une petite sœur, je t'aimerais plus qu'elle. Pauvre petite sœur, inexistante et déjà escamotée. Moi, encore, fiche de moi. Tu m'embrasses tant que j'en suis à me demander si je ne viendrais pas de te donner, sans y prendre garde, un paquet de cigarettes. Ou si tu n'en désirerais pas un. Écoute, mon vieux, tu es assommant avec tes coups de coude. Tu fais mal, sais-tu ce que ça veut dire exactement, ces bourrades? Ça veut dire je suis trop bête pour trouver quoi lui répondre. Alors je lui réponds comme ça. Les garçons bouchers se donnent des bourrades, tout à fait de cette façon. Alors je suis bête? Cela t'arrive. Mais vraiment bête? Ou bien tu me le dis parce que tu m'aimes? Comment cela? Bah, tu ne te souviens pas, à Marseille, tu me disais que j'étais bête, moi je protestais. Alors tu m'as expliqué, tu ne comprends donc pas, je te dis que tu es bête parce que je t'aime. Ah oui. Oui, je me souviens, je t'ai dit ça. Mais il y a des fois où tu es bête, vraiment, avec ta façon mesquine de voir les choses, ton adoration des fausses valeurs et ton animosité instinctive contre les vrais. Cette sorte de mauvaise qualité qui perce trop souvent en toi. Oh si, tu fais attention à tout ce que je dis. Je t'aimerais bien peu si je ne faisais pas attention à tout ce que tu dis. Enfin. Tu es gentil quand même. Non, tu me dépeignes. Ah, j'aime te dépeigner. Eh bien, dépeigne-moi un peu, mais pas l'arrêt. Que ta mère est agaçante à vouloir que tu te colles les cheveux. Tu es beaucoup mieux avec les cheveux ébouriffés. Je me sens porté bien davantage à m'occuper de ton éducation quand tu n'as pas un brodeau sur les cheveux comme un groom d'hôtel. C'est incroyable comme les mères qui savent si bien ce qui leur va à elles peuvent manquer de goût quand il s'agit de leur garçon. Maman trouve que les cheveux ébouriffés, c'est mauvais genre. Ouais. L'arrêt, ça fait sérieux. Hélas, le sérieux n'est pas là. Moi, je voudrais que tu aies les cheveux en chien fou et que tu sois sérieux. Mais tout ce qui est sérieux te fait bâiller. Comme il y a certains hommes, tout ce qui est tendre les fait rire. Quand on explique quelque chose à une femme, même si elle ne comprend pas, elle écoute. Elle trouve une réponse. Toi, tu détournes la tête. Et tu parles d'autre chose. Tu as une façon de volatiliser tout mot un peu profond que je te dis, de le rendre inexistant, soit en n'y répondant pas, soit en répondant à côté. Et nous retombons toujours au silence et à l'attente de ton bâillement ou à tes petites inepties. Et tout meurt ainsi, faute de prise sur toi. Et pourtant, j'aurais voulu faire de toi un homme. Moi, j'aimerais mieux être une femme pour couper au service militaire. Tu vois comme tu es? Toujours à répondre frivolement. Et pique frivolement, coupé à quelque chose. Voilà toute votre ambition, à vous autres, garçons de 1940. Moi, j'ai de l'ambition. Tu me disais l'autre jour, je n'ai pas d'ambition. Ah oui, c'est vrai. Alors, tu veux que je te parle sérieusement? Certes. Alors, tu ne me gronderas pas? Tu seras grondé si tu mérites de l'être. Bah, bourreau. Bourreau. Ah, magnifique, Molière a passé par là. Oh, beauté de l'enseignement secondaire. Non, je ne te gronderai pas, ne fût-ce qu'à cause de bourreau. Alors, et puis non, tu vas me gronder. Promis que non, parle. Est-ce que tu es bête de ne pas te remettre avec maman? Je suis sûr qu'elle serait contente. Mon vieux, là, tu parles d'une question que tu ne connais pas. Il y a un immense intérêt dans maintes choses de la vie à ce que ces choses

mais y du tien. À moins que ce ne soit moi, peut-être, qui soit fautif. Si d'abord je t'avais aimé davantage, peut-être qu'à force d'affection, j'aurais su tirer quelque chose de tout ce qu'il y a en toi, d'en barbouillé, de barbare. À ce moment, Gilou, qui depuis quelques instants, sans déplacer sa tête, a posé le regard sur un des magazines demeurés sur le tabouret, puis s'est mis à le lire, tourne la page. As-tu lisé ? Tu n'as pas pu m'écouter 5 minutes quand jamais peut-être de ma vie je ne t'ai parlé si gravement. Eh bien, mon ami, voilà qui simplifie les choses. Dès lundi à Marseille, je commence les démarches pour votre laissez-passer. Quand je l'aurai, je vous le donnerai ou non, selon ce que je penserai de toi à ce moment. Pourquoi pleurer ? Le Havre, voyons, les endives à 10 sous. Viens, mon petit, nous allons annoncer cette bonne nouvelle à ta mère. Et maintenant commence le règne de la mystérieuse douceur. J'ai renoncé. Tu n'entendras plus mes observations. Tout ce qui était défendu devient permis. Tu pourras même t'abstenir de prendre ton fortifiant sans que je te le rappelle. Pour commencer, voilà 50 francs. Pourquoi ne veux-tu pas les prendre ? Prends-les donc ! Tiens ! Encore 20 francs ! Avec ça, tu vas pouvoir aller au cinéma et bravo d'avance pour Passe-moi ta femme. À quelle bonne journée de dimanche tu vas passer là ? Trois semaines plus tard, à la fin de janvier, Georges, Gilou et Paulette entrent en portant 3 valises. Marie les suit. Je ne sais pas pourquoi tu as voulu qu'on descende ces valises. Le porteur les aurait prises au premier. Et s'il ne vient pas ? Tu dis toujours que les gens de par ici sont inexacts. Nous serons peut-être obligés de les porter nous-mêmes à la gare. Mais je ne veux pas qu'on nous voie porter des valises dans la rue. Nous aurions l'air d'avoir voulu faire l'économie d'un porteur. On s'en fiche des gens de Cannes à présent. Ah ça ? Tu peux être sûr que voilà une région où je ne reviendrai de ma vie. Mais quand même, il faut être correct jusqu'au bout. Ah, écoute, je vérifie si j'ai bien les billets et le reçu de la malle en petite vitesse. Paulette ! Donnez-nous donc ici un peu de café, hein, on a le temps. Pourquoi du café ? Puisqu'on a pris le petit déjeuner il y a 1 heure. Mais il faut se soutenir pour le voyage. Ah, et tu me feras penser à acheter à la gare des pastilles de menthe. Tiens, on entend siffler les trains d'ici. Ah, je ne l'avais jamais remarqué. Moi, depuis le premier jour qu'on est ici, je les ai entendus. Et j'aimais bien les entendre. Les femmes pensent toujours quand un train siffle, combien emporte-t-il d'espoir déçu, de rêves irréalisés. Mais pourquoi ne pense-t-elle pas, quelquefois, à tout ce qu'il emporte aussi d'espoir réalisé ? Notre joie fait plaisir à voir. Oh, n'y voyez pas autre chose qu'une simple réaction nerveuse contre votre air lugubre. Vous êtes tellement silencieux. Tout ce que j'avais à vous dire est dit. Envoie-nous dès demain une carte interzone. Je n'aurai sans doute pas plus à vous dire qu'aujourd'hui. Oui, mais on verra ton écriture. Et faites bien attention. Hein. Pour les nôtres, toujours comprendre le contraire. Si je vous mets ravitaillement difficile, ça voudra dire ravitaillement facile. Si je vous mets père souffrant, ça voudra dire qu'il est en bonne santé. Les enfants s'amusent. C'est curieux. Vous ne voulez pas comprendre que ces cartes peuvent être lues. La santé de votre père intéresse au plus haut point les Allemands. Maman a raison. D'abord, c'est toujours comme ça qu'on fait dans les romans policiers. Et surtout, souviens-toi bien, si je mets ma signature à gauche, c'est qu'on aura été bombardé. Oh, veux-tu bien te taire ? Et dis donc, maman, si on est bombardé, est-ce qu'elle a une cave au moins à la maison de grand-père ? Bien sûr. Et je t'ai déjà dit qu'elle est à 3 kilomètres de la ville. Là, on ne risque rien. D'ailleurs, si on devait risquer quelque chose, je ne t'emmènerai pas, voyons. Faut penses-tu qu'on nous bombarde ? Il ne manquerait plus que ça, une maison que ton grand-père a fait construire avec 40 ans de travail. Tu crois, toi, qu'on sera bombardé ? Je vous ai déjà dit 50 fois que je crois que cela est probable. Vous prévoyez toujours le pire. Au moins, ne le dites pas si vous le prévoyez. On fait venir les choses quand on en parle comme ça. Et dire ça à un enfant, c'est... Tu te rappelles, avant la guerre, tu m'as grondé parce que je t'avais dit « Toutes les fois que tu parleras de la guerre comme si elle devait avoir lieu, tu auras un gage. » Et la guerre a eu lieu. Cette fois-là, tu avais raison. J'ai toujours raison. Et tu ne nous as toujours pas dit « Quand on se reverra, tu laisses ça dans le vague ?» Dans 3 mois ? 3 mois. Quoi ? Encore plus tard ? Tu penses que la guerre ne sera pas finie dans 3 mois ?

Fils de personne. Fils de personne. Comme les autres. Mais que ce qui est commencé soit poursuivi sans fléchir. Quoi qu'il en soit du reste, mes raisons demeurent, ne cédons pas à ce transport qui me pousse à l'arracher à elle, et à l'arracher à elle, si vainement. J'avais pesé, je ne me dédie pas. Non, ce n'est pas à elle que je l'immole. Je l'immole à un principe. Je l'immole à la gloire que j'en avais devant moi-même. Ah, gloire affreuse. Je ne verrai plus ces cahiers tachés d'encre traînés sur toutes les tables, ni ces timbres, ni son quadrimoteur. Dieu, affermissez-moi, tandis qu'il est là pour quelques instants encore, avant de n'être plus là pour jamais, donnez-moi déjà l'oubli de tout ce qu'il fut. Dieu des rigueurs humaines, Dieu des tendresses humaines, faites que jusqu'au bout. Je reste assez dur avec lui pour arrêter sur ses lèvres le petit mot qui me bouleverserait et qui mettrait en moi, au lieu de la paix, des choses justes. Un remords éternel. Une éternelle horreur. Georges va s'asseoir à l'écart comme pétrifié. Mais tu la prendras dans le train. Mais le compartiment va peut-être être encombré. C'est tout un aria d'ouvrir une valise dans un compartiment bondé. Puis j'aime pas que les voisins regardent dans mes affaires. Oh, mais moi je ne sais pas dans quelle valise je l'ai mise. Moi, je ne vais pas déballer trois valises pour chercher ton eau de Cologne. Ça, je suis sûre que je vais être malade. Dans le train, c'est comme si c'était fait. J'ai besoin d'avoir mon eau de Cologne dès maintenant. Oh, ce que tu peux être. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Oh, ben voilà, ça y est. Oh. Ça y... Ah, ben voilà, tu as cassé la courroie. Ça devait arriver depuis le réveil. Je me disais, il va casser quelque chose. Mais toi aussi, tu casses des choses. Mais tu ne te grondes pas. Oh, mon Dieu, qu'allons-nous faire? Écoute, va chercher de la ficelle. Bah, où ça, la ficelle? J'en ai marre à la fin. C'est bien simple, je ne pars pas. Aller au Havre sous les bombes. Quoi? Tout ça, c'est de ta faute. T'avais qu'à rester ici. Oh, Gilou, écoutez, Georges, vous pourriez bien l'aider, cet enfant. Mais vous êtes là, sur votre chaise. Enfin, où êtes-vous? Je suis au-delà. On ne peut pas voyager avec Gilou, il s'énerve, il devient odieux. Cherchez dans tous les tiroirs. Il nous faut absolument un morceau de ficelle, la courroie d'une des valises a cédé. Avec ça, on va manquer le train. Il est moins 22. Comment moins 22? Ben, le porteur devait être là depuis la nuit. Et Mme Spitar, il guérit, qui doit venir encore. Oh, celle-là, qu'est-ce qu'elle vient fiche ici, puisque l'inventaire est fait. Elle croit peut-être qu'on lui a cassé quelque chose depuis hier soir, dans un sale baraque. Oh. Ah, merci, Paulette. Tiens, Gilou. Arrange-la toi-même. Ben, c'est toi qui l'as cassé. Oui, mais à cause de ton eau de Cologne. Tiens, la voilà, ton eau de Cologne. Oh, écoute. Cette ficelle, enfin, de corps, on nous l'est, hein. Des émigrants, des Romanichels. Et ce voyant avec ça, c'est tout ce que tu devrais faire. Chercher un peu de cirage jaune et la passer sur la ficelle. Comme ça, elle se verrait moins. Alors, il faut que je rouvre maintenant les trois valises pour chercher le cirage? Oh, mais non, mais non, j'en ai marre, moi. Et puis, si le porteur ne vient pas, tant mieux, on restera à Cannes. Ah, ça doit être lui. Madame? Oui, oui, c'est lui, tenez, entrez. Ça, Oh, ça, il me semble que j'oublie quelque chose. Oui, oh, ça, je suis sûre que j'ai oublié de mettre quelque chose dans les valises. Paulette, montez, regardez dans tous les tiroirs, hein. Non, je vais y aller moi-même. Je pose les valises dans l'antichambre, moi je vous y attends. Elle est folle, maman. Moi, j'en ai marre de vivre avec elle. Si j'avais su, je restais à Marseille avec toi. Su quoi? Elle est folle. Je pourrais encore rester, si tu voulais. Je suis sûr qu'elle me laisserait bien, pourvu qu'elle parte. Trop tard. La source est tarie. Au moins, rejoins-nous vite. Tu n'as qu'à passer la ligne en fraude. Tu ne sais pas ce que tu dis. Alors, fais-moi revenir. Moi, je passerai en fraude. Tiens, si je mets ma signature en haut de la carte, en haut, tu comprendras bien, ça voudra dire, fais-moi revenir. Trop tard. Pourquoi est-ce qu'on quitte Cannes? Je suis sûr qu'un jour je me dirai à Cannes, comme j'étais heureux. Tu dis quand les valises sont faites tout ce qu'il fallait dire depuis 3 mois. Au Havre. Tout ça parce qu'il y a un type là-bas. Trop tard. Elle se faisait envoyer des cartes postes restantes. Il s'appelle Roger. Il lui écrivait, chère Mariette. Trop tard. Tu me feras revenir à Pâques, hein? C'est promis. Je ne fais jamais de promesses. Si, si, si, si. Je veux revenir avec toi. Pauvre papa, je t'ai fait marronner. Mais maintenant, quand je reviendrai, tu verras, je serai sage. Mon petit. Et grand garçon. Embrasse-moi. Non. Sur le quai. Tout à l'heure. Laisse-moi. France Culture et la Comédie Française viennent de vous faire entendre Fils de personne, d'Henri de Monterland. Les interprètes étaient messieurs Dominique Rozan, Georges Carillon, Philippe Rondest, le récitant, Gérard Giroudon, Gilles Sandoval, dit Gilou, 14 ans, Pierre-Olivier Scotto, le porteur, et mesdemoiselles Yvonne Godot, Marie Sandoval, Denise Pezzani, la femme de chambre, Anne Petit-Lagrange, Paulette. Présentation et commentaires de Jacques Lemire, en compagnie de Michel Etcheverry. Chef opérateur du son, Joseph Rémiot. Collaborateur technique, Mireille Gauthier. Bruitage, Joé Noël. Assistante de production, Catherine Lemire. Réalisation, Jacques Régnier.